petites filles, nos jours, nos moments, fait que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en